Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il était une fois l'Uchronie, histoire d'un genre littéraire. En 1876 paraît Uchronie, Utopie dans l'histoire, un ouvrage de Charles Renouvier, écrivain philosophe. Il imagine un monde dans lequel le christianisme n'occupe pas de place prépondérante. Il est relégué en Orient dès l'Antiquité par les Romains. Oui, Charles Renouvier forge ce mot d'Uchronie quand l'imagination se saisit de l'histoire pour un autre récit parfaitement crédible, mais qui n'est pas advenu. Quel destin pour l'Uchronie si Charles Renouvier n'avait pas existé? Oh, sans porter ce nom, elle existait déjà. Allez, ôtons un élément à notre passé et voyons évoluer les univers parallèles. Je dérobe Johnny Hallyday. Dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Une collection de quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin... Qui ça? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain? Vous foutez de moi, là? Non. Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolée, je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est? Je sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin, mais je crois que ça va rentrer dans l'ordre, hein. D'abord, je voudrais parler à un homme. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme, voilà. Ça vous convient pas? Non, pas vraiment, c'est une affaire d'homme, soyez gentil. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, quel est votre problème? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection complète d'objets collector. Les disques de qui? De Johnny Hallyday, on lui dit, un extrait du film Jean-Philippe de Laurent Truelle. C'est avec Fabrice Lucchini, bien sûr, en 2006. Bonjour Pierre Bayard. Bonjour. Vous ouvrez votre ouvrage « Et si les Beatles n'étaient pas nés » aux éditions de Minuit avec cet extrait, celui que nous venons d'entendre. Pourquoi ce choix? Je trouve que c'est un film qui est tout à fait caractéristique de l'Uchronie, en ce qu'il est un alliage subtil et assez réussi de ludique et de scientifique. De ludique parce qu'on s'amuse beaucoup, surtout quand il y a Fabrice Lucchini qui déboule dans cet univers où Johnny Hallyday n'existe pas, mais c'est Jean-Philippe Smet et il est patron de Bowling. Mais de scientifique aussi parce que ça nous fait réfléchir sur ces mondes alternatifs et en particulier sur les mondes alternatifs littéraires et artistiques que j'explore dans Et si les Beatles n'étaient pas nés, où tel auteur très connu n'est pas connu et où tel autre... qu'après tout, il est peut-être intéressant d'aller voir ou lire, est très célèbre. Vous ôtez Shakespeare, vous ôtez Marcel Proust, et puis vous observez ce monde tel qu'il aurait pu être. Ce mot d'Uchronie, parce que dans le film Jean-Philippe, où Johnny Hallyday disparaît de l'histoire, on est face à une Uchronie? Alors, pour ma part, je fais une distinction entre Uchronie et univers parallèle. Dans l'Uchronie, on se livre à des travaux d'imagination pour imaginer ce qui aurait pu se passer. Mais un historien, une historienne qui examine l'hypothèse que Drouet à Varennes ne reconnaît pas le roi et se demande si le roi ayant rejoint l'armée des princes, la révolution aurait été différente, cet historien ne considère pas véritablement que ce cas de figure existe. Si vous ajoutez ce que je fais dans mon livre, l'hypothèse des univers parallèles, alors tous les mondes existent, y compris le monde dans lequel Louis XVI regagne l'armée des princes. Et moi qui crois... dur comme fer dans les univers parallèles. Donc je considère qu'il faut aller plus loin que l'Uchronie, mais examiner aussi ces univers et aussi examiner les interférences que nous avons avec ces univers. Que nous ne sommes pas là seulement dans ce studio de radio. Nous sommes, vous et moi, avec Catherine, dans une multitude d'autres univers, avec des échos qui, par moments, nous en parviennent. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Pour vous, la définition de l'Uchronie? Alors, l'Uchronie en littérature, c'est la réponse à une seule question, et si? Or, on se rend compte que toute la littérature est basée sur le « et si ?» Et si j'essayais de retrouver le temps perdu? Et si je racontais l'histoire de la belle Hélène et de la guerre de Troie telle qu'elle aurait dû arriver si les dieux s'en étaient mêlés? Donc la littérature en général, l'art d'ailleurs, très globalement, est très propice à l'Uchronie. Mais il y a une chose que je remarque qui est amusante, c'est que tous les livres d'anticipation les plus célèbres, par exemple « Au hasard 1984 » d'Orwell, deviennent au fil du temps des uchronies. Orwell, en 1948, quand il écrivait 1984, il avait peur que toute la planète soit conquise par une abominable dictature militaire. C'était de l'anticipation. Et aujourd'hui, c'est lu comme une uchronie et ça se retrouve dans les rayons uchronies, dans n'importe quelle bonne librairie. Voilà. Et si le totalitarisme avait conquis toute la Terre, Ça n'a pas été le cas. Il y a une seule chose sur laquelle Orwell avait totalement raison. On ne s'est pas du tout méfié. C'est qu'il nous a dit, attention, un jour, il y aura des télécrans chez tout le monde. Sur ce télécran s'affichera Big Brother. Et nous aimerons Big Brother. Et regardez ce que vous avez dans votre poche, si ce n'est pas un écran et si vous ne l'aimez pas. Ça, il nous l'avait prédit et on ne s'est pas méfié. À lire 1984 d'Orwell, toujours et sans cesse, mais une lecture évidemment différente. En écho à ce que vient de dire Catherine Dufour, oui, ces mondes parallèles évoluent parce que tout est question de temps, le moment de l'écriture et le moment de la lecture, la réception pour 1984, une fois que l'année 1984 est passée, effectivement, le livre change même de nature. Pierre Bayard, dans ces mondes parallèles, ils existent tous, et ça, moi, j'entends ce que vous dites, certains nécessitent un auteur, une autrice pour les raconter, mais ils existent tous. Alors c'est ce qu'a apporté la physique quantique hein, au début du XXe siècle, qui s'est intéressé à des particules étranges hein, qu'il était impossible de situer avec précision dans l'espace. Et peu à peu, une partie des physiciens de la physique quantique ont émis l'hypothèse de cette multiplicité infinie de mondes dans lesquels nous serions simultanément. Et ce qui est passionnant avec cette hypothèse, c'est qu'elle est peut-être vraie. Elle n'est évidemment pas démontrée, mais contrairement à beaucoup de travaux scientifiques qui supportent les sciences humaines, qui relèvent de la poésie, hein, je pense à la métapsychologie freudienne, personne ne croit sérieusement qu'il y a un conscient, un inconscient, un subconscient si on creuse à l'intérieur de nous. Cette théorie est peut-être vraie, et donc elle ouvre des espaces infinis à la pensée, puisqu'elle nous permet de revoir de façon complètement différente l'histoire, la littérature, les œuvres possibles. Oui, parce que la fiction, la littérature touche très souvent passé. Sinon, on est dans le roman de science-fiction ou d'anticipation, Catherine Dufour, parce que c'est ça aussi la littérature, c'est se plonger dans le passé pour raconter un réel avec parfois des personnages réels à qui l'on attribue un destin que l'auteur, l'autrice choisit, ou alors inventer un personnage. Oui, tout à fait. Enfin, il y a pas mal quand même de différents types de littérature d'Uchronie. Alors, il y a celle, par exemple, des paradoxes temporels. Hein. Là, je vous conseille, sans parler du chien, de Connie Willis, où le switch se fait par rapport à la recherche d'un vase. Ils sont tous à la poursuite d'un vase. C'est extrêmement bien fait parce que Connie Willis arrive à nous faire toucher du doigt comment on fait pour éviter un paradoxe temporel et, revenant en arrière, tuer son propre grand-père. Si vous préférez les séries, regardez Loki, la série avec Tom Hiddleston, où il y a une sacrée timeline, une ligne du temps sacrée, et vous n'avez pas le droit de ficher le camp comme ça dans des univers parallèles pour mettre le bazar dans la ligne du temps. Il y a aussi les uchronies des vœux imprudents. Là, je me réfère à La vie est belle de Frank Capra. Hein. Quand on souhaite des choses comme « j'aimerais ne jamais avoir existé, tout le monde m'énerve », eh bien, faites attention, ça peut arriver, ça sera peut-être catastrophique. Pour les enfants, vous retrouverez strictement la même chose dans Shrek 3. Et puis alors, il y a le steampunk, qui, moi, est mon préféré. Le steampunk, c'est « quelle allure aurait eu le passé si le futur était arrivé plus tôt ?» Par exemple, si Ada Lovelace, au lieu de mourir bêtement à 36 ans, avait réussi à inventer une informatique à vapeur, un cloud victorien. Et là, il y a énormément d'auteurs français qui sont extrêmement bons en steampunk. Hein. Laurent Genefort avec les temps ultramodernes, il y a Mauméjean, il y a Wagner, il y a Eliot, il y a Graffet qui est un excellent illustrateur. Je dois dire peut-être que le premier auteur de steampunk, c'est peut-être quand même Jules Verne. Ah oui, Jules Verne, mais bien sûr, là on est toujours dans ce monde où il y a une petite part de vérité. Je me permets, Catherine Dufour, quand Pierre Bayard s'amuse à imaginer un monde dans lequel les Beatles ne seraient pas nés, dans lequel Proust n'aurait pas été l'auteur que l'on connaît, etc., Shakespeare et les autres, on est dans quelle forme d'Uchronie là ? Là, on est dans les uchronies avec bascule facile à identifier. L'archétype de l'uchronie avec bascule facile à identifier, c'est Et si Napoléon n'avait pas existé ou n'avait pas pris le pouvoir? Il y a deux grandes figures de bascule, c'est simple, c'est Napoléon et c'est Hitler. Ça, la plupart des uchronies tournent autour de ces grands massifs-là. S'ils étaient renversés, s'ils n'avaient jamais existé, il est évident que le monde serait extrêmement différent. Après, il y a des bascules beaucoup plus modestes, et là, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Si le couvercle de votre pot de confiture, au lieu d'être rouge, avait été bleu ce matin, qu'est-ce que ça aurait changé au reste du monde. Il y a par exemple, si au Moyen-Âge, on n'avait pas inventé le joug. Le joug, c'était un collier qu'on mettait autour des bêtes de labour. Et au Moyen-Âge, on l'a amélioré. Au lieu d'étrangler la bête, il s'appuyait sur ses épaules. Et comme ça, la bête non étranglée arrivait à mieux cultiver. D'où plus de céréales, d'où moins de morts de faim, d'où explosion démographique, d'où renaissance et d'où conquête du monde entier par la culture blanche occidentale. Donc, il y a deux types d'uchronies historiques comme ça. C'est le petite pichenette ou le grand homme qui n'existe pas. Oui, et à chaque fois c'est très efficace avec ces deux mots. Pierre Bayard, que vous avez évoqué dès le début de cette émission, c'est ludique et scientifique. C'est très important de le dire parce que, bien sûr, on pourrait penser à la littérature. Mais non, vous, c'est pas la littérature qui arrive en premier, c'est ludique, mais la littérature couvre l'ensemble, et scientifique aussi. Il faut rappeler hein, qu'historien, historienne, écrivent. Oui. C'est très important, tous ces gens-là sont des gens qui travaillent sur le texte. Mais l'aspect scientifique est très intéressant. C'est la référence que vous prenez sans cesse dans ce travail et cette réflexion si les Beatles et bien d'autres n'étaient pas nés. Oui, j'étudie un peu l'équivalent de ce que peut être la Bérézina pour Napoléon, ou de ce que peut être la bataille de Stalingrad pour Hitler, c'est-à-dire des moments dans l'histoire de la littérature ou de l'art, où quelque chose de déterminant se produit en quelques minutes. Et par exemple, Brian Epstein, qui est le producteur des Beatles, celui qu'on a appelé le cinquième Beatle, s'il ne rencontre pas les Beatles, et s'il ne se bat pas pendant des mois pour que les maisons de disques qui ne veulent pas du tout de cette musique finissent par accepter les Beatles, eh bien, il n'y a tout simplement pas de Beatles. Et donc, il y a dans ces vies littéraires et artistiques des moments aussi importants que des croisements historiques. Mais j'ajoute une chose qui est très importante. Je crois que si nous sommes à ce point passionnés, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, par l'Uchronie, c'est qu'entre les grands événements historiques et ces bifurcations, ces points de bascule, et les événements de la vie privée, littéraire ou artistique, il y a nos vies, nos existences. Et quand on y réfléchit, une multitude de petits événements de nos vies ont été absolument déterminants. En particulier de nos vies amoureuses. Il y a des destins qui, de toute façon, se seraient croisés. L'être avec qui vous êtes est dans le même milieu professionnel, vous l'avez croisé en novembre, vous l'auriez croisé en janvier. Mais c'est pas toujours le cas. Quelquefois, vous êtes avec quelqu'un que vous auriez pu très bien ne pas croiser. Et la rencontre de cette personne a fait totalement basculer vos vies. Il y a des films assez intéressants là-dessus. Je pense au film qui s'appelle Pile et Face, en anglais Sliding Doors, où la vie de l'héroïne est complètement transformée selon qu'elle arrive ou pas à rentrer dans le métro. Vous avez un cas dans lequel les portes se ferment et un autre cas dans lequel elle arrive à se glisser dans la rame. Ça se joue à une seconde près. Et sa vie bascule. Si elle rentre dans le métro, elle rencontre l'homme de sa vie. Si elle ne rentre pas dans le métro, comme elle va arriver en retard à son travail, elle remonte à son appartement et elle découvre que son compagnon a une maîtresse. Et un certain nombre d'œuvres vont jouer sur les moyens de locomotion et en particulier sur les portes qui se ferment. Vous avez une variante de ce film, c'est Le hasard du cinéaste polonais Kieślowski, dans lequel vous avez trois cas de figure suivant que le héros arrive ou pas à prendre son train. Et je crois que derrière notre intérêt pour l'Uchronie, il y a cet intérêt sur ces moments minuscules de nos vies dans lesquels tout s'est joué. Et il y a aussi là une tendance autre qui est, en fait, ça change rien. Par exemple, il y a les chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson. Peste noire, tous les blancs meurent, donc finalement le monde va se faire avec les Asiatiques, les Africains, tout le monde sauf les blancs. Et finalement, ça change rien. Et il y a aussi une très jolie, une des premières uchronies d'Hawthorne en 1846, la correspondance de paix, où les people ne sont pas morts. Donc Byron n'est pas mort, Shelley n'est pas mort, Napoléon n'est pas mort. Ben, ça change rien, parce que Byron passe juste la deuxième moitié de sa vie en tant que vieux nobliot réactionnaire qui passe donc la deuxième moitié de sa vie à censurer la poésie de la première moitié de sa vie. Shelley, qui est quand même un des premiers athées de Cambridge, n'est pas mort noyé à la Spezia, et ben il devient un anglican prêchi-prêcha, et Napoléon, il finit dans les caniveaux de Londres. Et pendant ce temps-là, l'acteur Keane, lui, il est mort, mais il continue à jouer le fantôme du père de Hamlet dans Shakespeare. Ça, c'est le côté très rigolo. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de déterminisme historique tellement puissant que même si ces gens-là ne sont pas morts quand ils auraient dû, eh ben, ça change rien à leur destinée et ça change rien à ce qu'ils ont apporté à l'histoire, à l'art ou à la littérature. Le fait que ça ne change rien est un des multiples univers parallèles possibles. Exactement. Que vous pouvez étudier, parce qu'il y en a tant d'autres, par exemple. Et moi, je trouve ça très pertinent de regarder ce moment particulier, par exemple celui où les Beatles ne font pas le succès, parce qu'on se dit, ah oui, tiens, j'apprends des choses sur les Beatles, et en lisant, et si les Beatles n'étaient pas nés, on croise d'autres personnages, et notamment Ben Johnson. Alors, c'est pas l'athlète, hein, c'en est un autre, avec Ben Johnson. Et tant d'autres, on est dans cet univers particulier, celui des Beatles. Pierre Bayard, nous venons d'entendre les Beatles qui croisent un autre groupe dont nous connaissons la chanson mais rarement le nom, ce sont les Kings, The Kings. Alors expliquez-nous en fait pourquoi cette réflexion autour des Beatles permet d'imaginer un futur possible où les Kings ont une place particulière. Alors comme je le disais tout à l'heure, les Beatles, ils ont une immense chance dans leur vie, c'est de croiser ce type qui s'appelle Brian Epstein. S'ils ne croisent pas Brian Epstein, il n'y a pas de Beatles. On le voit très bien parce que pendant des mois, Brian Epstein fait le tour des maisons de production et tout le monde lui dit « mais ce groupe n'a aucun avenir, vous êtes en train de perdre votre temps ». Mais exactement au même moment, vous avez un autre groupe de quatre personnes qui sont les Kings. Et les Kings, eux, ne vont pas croiser Brian Epstein. Ils ne vont pas croiser quelqu'un qui va, par exemple, leur expliquer qu'il faut s'habiller correctement dans l'Angleterre des années 60 et pas chercher à avoir l'air déjanté comme les Kings. Et les Kings ne vont pas du tout avoir le même succès que les Beatles. Alors qu'en fait, quand on les écoute aujourd'hui, on se dit, c'est pas mal du tout et même c'est peut-être bien meilleur. Et c'est peut-être bien meilleur parce que c'est des chansons qui sont plus profondes, qui en particulier réfléchissent sur la société anglaise de l'époque, alors que les Beatles, c'est quand même, que les fans des Beatles me pardonnent, souvent des bluettes. Et l'intérêt de ce type de recherche, c'est pas seulement d'imaginer ce qui se serait passé, c'est de partir à la découverte d'autres groupes, d'autres écrivains et écrivaines, d'autres artistes, qu'après tout, on a peut-être laissé de côté, alors que ces auteurs, ces autrices méritaient tout à fait qu'on s'intéresse à eux. J'évoquais Ben Johnson, qui n'est pas l'athlète. Eh bien, là aussi, c'est grâce à la disparition de Shakespeare que vous faites surgir Ben Johnson. Alors, le cas de Ben Johnson est intéressant. Je dis dans mon livre que quand on parle aujourd'hui à quelqu'un de Ben Johnson, tout le monde pense à l'athlète canadien et au dopage, sauf si la conversation a lieu dans un département de littérature anglaise. Ben Johnson, dramaturge de l'époque élisabéthaine, même époque que Shakespeare, a totalement disparu de nos horizons. Pas les Kings, hein, les Kings quand même, les spécialistes de la musique les connaissent. Et ce qui est intéressant avec Ben Johnson, c'est de savoir que pendant deux siècles, jusqu'au 19e siècle, le grand nom de la dramaturgie anglaise, c'est Ben Johnson, c'est pas Shakespeare. Shakespeare va commencer à sortir de l'anonymat grâce à Voltaire, qui dans un premier temps va le faire connaître, puis ensuite, à mesure qu'il se plonge dans ses œuvres, va dire, non, vraiment, c'est vraiment trop nul, c'est pas possible ce type. Et c'est les romantiques qui vont aller chercher Shakespeare. Mais alors, deuxième angle qui m'intéresse, comment est-ce que, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute, quand on lit Ben Johnson et Shakespeare, on se dit, mais Shakespeare, c'est bien meilleur. Et là, j'ai pas le même réflexe qu'en comparant les Beatles et les Kings. Mais ce qui devient intéressant, c'est de se demander comment, pendant deux siècles, des gens dont certains étaient extrêmement cultivés comme Voltaire, ont pu considérer que Ben Jonson était meilleur. Et ça oblige à une expérience de pensée. Ça oblige à se remettre dans des cadres de pensée différents des nôtres pour apprécier ce que Ben Jonson apparaissait comme appréciable à l'époque. Et donc, l'intérêt de ce type d'expérience de pensée, c'est de découvrir l'altérité en nous. Parce que peut-être qu'il y a des univers dans lesquels il faut se mettre à la place de Voltaire ou de ces intellectuels, le terme n'était pas employé à l'époque, qui pendant deux siècles vivaient Ben Jonson comme supérieur à Shakespeare. Vous voyez, donc ça permet non seulement de découvrir des œuvres, mais de vivre des expériences d'altérité, parce qu'après tout, Voltaire n'était pas un imbécile, et donc s'il appréciait Ben Jonson, ça vaut la peine d'aller regarder comment il pensait à l'époque, comment il vivait la littérature et l'art. Et peut-être parce que aussi, nous sommes victimes d'algorithmes. Alors, j'utilise ce terme qui fait que sur les réseaux sociaux, eh bien, nous nous voyons proposer toujours la même chose que ce que nous cherchons. Je dis ça parce que Catherine Dufour, vous êtes, en plus d'être romancière, informaticienne, la part du hasard. Non, parce que l'informatique, c'est pas de hasard sans doute, même si moi, bien souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de hasard quand j'essaie de farfouiller là-dedans. Mais il y a de ça, ça fait réfléchir aussi, je parle de ces algorithmes, ou plutôt de cette pensée, mais par notre éducation, qui a été imposée. L'uchronie nous permet de sortir de ce qui nous est présenté comme étant la norme. Oui, ça fait beaucoup de bien. Et là, on va un peu peut-être se poser la question de à quoi ça sert finalement l'uchronie. Eh ben, moi, je pense beaucoup à la fonction réparatrice de l'art. L'uchronie sert à panser les plaies. Par exemple, pour Napoléon, alors il y a une partie des uchronies concernant Napoléon où les gens se disent soulagés d'imaginer un monde où l'ogre de Corse n'aurait pas existé, ça c'est certain. Mais par exemple, si vous demandez à Stendhal ou à Musset, ce n'était vraiment une désolation absolue d'être né juste trop tard. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans un monde où la France conquérait le monde entier, du moins une bonne moitié de la planète. Et ils se sont dit, oui, moi, dès que j'ai 20 ans, je saute sur un cheval et je vais suivre Napoléon comme on aurait pu suivre Alexandre le Grand. Et pouf, ils se sont retrouvés à vivoter dans une société bourgeoise qui leur a profondément déplu et on sent un immense regret de cette gloire. De même, toutes les uchronies concernant Hitler, il est évident que c'est tellement dommage que personne n'est assassiné cet homme-là avant 1933. Il y a ça dans Dead Zone, hein, où il y a le héros qui a... Donc c'est un livre, puis un film, Dead Zone, un livre de Stephen King, où il y a le héros qui effectivement a des lumières sur l'avenir et pose sa question à son médecin, un psychiatre, et lui dit, franchement, si vous reveniez dans le temps et que vous aviez l'occasion de tuer Hitler, que feriez-vous? Et le médecin réfléchit beaucoup, parce que tuer, c'est quand même pas son job, c'est même l'inverse, et il finit par dire, oui, bien sûr, j'aurais tué ce monstre. Et on voit ça dans La part de l'autre, hein, de Rick Emmanuel Schmidt. On voit d'un côté Hitler ayant le dessin qu'on connaît, et de l'autre côté, Hitler ayant fait une psychanalyse. Et du coup, il réussit son entrée à l'Académie des Beaux-Arts et le monde est tellement mieux. Alors, il y a une petite guerre entre la Pologne et la France en 1942, mais il n'y a pas toute cette espèce d'épouvantable massacre. Donc, imaginez ça, ça permet peut-être le temps d'un livre, le temps d'un film aux gens de reposer les plaies que l'histoire a fait à leur flanc. Imaginez la disparition d'Hitler jeune ou alors une autre carrière pour Hitler, c'est une chose, mais il est aussi possible d'imaginer que l'Allemagne nazie remporte la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que fait Philippe Kadic dans Le Maître du Haut-Château. Quand on sait les liens politiques, économiques et Dieu sait quoi qui unissent les États-Unis au Reich, ça sent me mettre dans la gueule du loup. Encore heureux que je me sois trouvé en 1947, le jour de la capitulation, sur la côte ouest, et non sur la côte est. Sinon, j'étais bon pour les fours crématoires. Alors, le roman Le Maître du Haut-Château de Philippe Kadic, c'est 1962. Là, c'est une adaptation de 1976. Ça permet aussi, par l'uchronie, de montrer un peu le travers de nos sociétés, de jouer sur les États-Unis qui deviennent fascistes avec tous les procédés nazis. Ça montre aussi que nos sociétés portent en elles des futurs ou des passés possibles autres. Oui, oui, l'art, là, c'est la fonction exorcisme de l'art, c'est-à-dire qu'on imagine des trucs beaucoup plus abominables que ce qui est arrivé, parce que là, peut-être, ça nous permet de nous dire que le présent est un petit peu moins abominable que nous, on se le figure. Mais le livre de Kadic, et puis de Philippe Kadic, est encore plus subtil que ça. De toute façon, Kadic, c'est une subtilité sans fond, c'est pour ça qu'on s'y perd, qu'on s'y noie, et que c'est un auteur qui est de plus en plus lu. C'est quand, là, on rejoint vraiment les multivers dont parle Pierre Bayard. Effectivement, on est dans un monde où l'axe a gagné, notamment aux États-Unis, mais est-ce que ce monde ne serait pas une mauvaise jambe du pantalon du temps? Est-ce qu'il n'y aurait pas des liens qu'on peut, par le Viking, créer entre cet univers cauchemardesque et un univers où les nazis auraient perdu et qui serait un univers parallèle, etc. Et tout est dans tout, et à la fin, on ne sait plus où on en est, mais c'est pour ça que c'est bon. Mais c'est pour ça que c'est beau. Et puis, il y a cet aspect ludique de l'Uchronie, ça, Pierre Bayard, vous l'avez dit tout de suite, et bon, ce sont des lectures fascinantes. La réflexion sur l'utilité de l'Uchronie est plus complexe. Quelle est, d'après vous, l'utilité de faire ça? Exercice intellectuel, scientifique? Je serais tenté de dire que, de toute façon, on utilise l'Uchronie à tout moment. Il y a actuellement des psychologues qui travaillent autour de cette idée que notre pensée est fondamentalement uchronique. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous nous disons « et si ?». Ce qui peut conduire à la dépression ou au contraire à des phases d'euphorie. Il y a un passage dans le livre de Quentin Deluhermoz et Pierre Singaravelou, je crois que vous avez hier accueilli Pierre Singaravelou, passage très intéressant où il évoque ce cas de figure des médaillés des Jeux Olympiques. Et il dit, parce que des expériences l'ont montré, semble-t-il, que l'athlète qui a une médaille de bronze est souvent plus heureux que l'athlète qui a une médaille d'argent. Pourquoi ? Parce que si vous avez une médaille de bronze, vous vous dites « Ouh là là, je l'ai échappé belle, à 3 secondes près, j'avais la médaille en chocolat ». Si vous avez la médaille d'argent, inévitablement, vous vous dites « Oh là là, j'aurais pu avoir la médaille d'or ». Et on se rend compte qu'en fait, à tout moment, quand on y réfléchit, nous sommes dans des processus uchroniques. Et par exemple, quand nous regardons le passé, et quand nous nous intéressons à ces bifurcations minuscules dont j'ai parlé tout à l'heure, où nous avons croisé telle ou telle personne, où nous avons raté telle ou telle opportunité, telle ou telle examen. Et donc, de plus en plus de psychologues se disent que l'Uchronie, ça n'est pas seulement un genre historique, ça n'est pas seulement un genre littéraire, c'est notre manière de penser le monde, parce qu'à tout moment, nous examinons les autres possibles. Quelquefois, malheureusement, pour nous faire souffrir. Je crois qu'une des manières de se sortir de la dépression, c'est d'arriver à se projeter dans l'avenir et ne pas être focalisé sur ces bifurcations minuscules où nous avons raté quelque chose. Oui, vous empiétez sur ce que j'allais vous demander, parce que la conversation vers sur ce point-là, d'un côté un petit peu angoissant de l'Uchronie, du « et si », quand cette Uchronie ou ce « et si » touche à des regrets, des hésitations du passé qui nous font voir un présent un peu plus sombre. Mon présent aurait été meilleur si par le passé j'avais fait autre chose. C'est un peu le piège aussi de l'Uchronie. Oui, moi, ça me fait penser à des aspects beaucoup plus cliniques, finalement, à la dépression. Savoir sur soi-même un récit triste, répétitif et qui n'arrive pas à sortir de son propre cercle. Et d'ailleurs, il y a un très bel essai qui vient de sortir de Katie Stewart sur « Est-ce que la science-fiction française n'aurait pas une net problème à avoir sur elle-même » un récit assez triste et dépressif, et comment s'en sortir. Il faut se rendre compte que tout n'est que choc de récit. Chacun essaye de modeler le monde d'après le récit qu'il souhaite, et celui qui gagne, c'est celui qui arrive à faire dominer son récit. Emmanuel Macron, il a décidé qu'il y aurait un monde dans lequel il y aurait une réforme des retraites qui serait passée, et il y est arrivé, donc il a modelé le monde selon son désir. Donc on peut dire que nos vies ne sont que des affrontements de récits. Et en ça, là, on quitte carrément l'Uchronie pour la philosophie pure. Et C'est pas un hasard si celui qui a forgé ce mot d'Uchronie, Charles Renouvier, était philosophe aussi, avec toujours cette peur du regret, du désespoir sans cesse, parce que tout le monde n'a pas la chance de croiser Mary Poppins. Et si vous le dites à l'envers, ça vous donne Dosius Aliex Christique Fragile Cali Super. Mais c'est tout de même aller un peu loin. Indubitablement. Mais dès qu'au chat, on donne sa langue, les bons restes sont permis. C'est vrai. Dites seulement ce petit mot et alors vous aurez tout. Mais attention, Karine, pourrait se faire qu'il change votre vie? Par exemple, France Culture. Oui, je dis un soir à une fille que je fréquentais, et maintenant elle est ma femme. Le cours de l'histoire. Oh, je ne regrette pas, c'est une délicieuse créature. Xavier Mauduit. Rencontrer Mary Poppins, mais ça change un destin, évidemment. Pierre Bayard, vous avez ôté des gens du passé. Ôter des gens du passé, ça a été, donc j'imagine, quelque chose de très ludique. Le titre de l'ouvrage, c'est « Et si les Beatles n'étaient pas nés ?» aux éditions de Minuit. Alors évidemment, je le redis, il ne s'agit pas que des Beatles. Vous êtes amusé à enlever plein de personnes. Comment vous les avez choisis ? Alors, les itinéraires qui m'ont conduit à ces personnes sont multiples. Certains sont liés à ma famille. Je prends l'exemple de Proust. S'il y a bien quelqu'un qui est inscrit, comme Shakespeare aujourd'hui, dans un canon évident, c'est Proust. Or, je me suis référé à l'ouvrage dans lequel mon père a étudié la littérature française. C'est un ouvrage qui s'appelle Le Desgranges. Un peu l'équivalent du Lagarde et Micha, c'est le livre dans lequel mon père étudie en 40. Proust est mort depuis 20 ans. Proust a quelques lignes dans le Desgranges. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont beaucoup plus de place que lui. Celui qui a le plus de place en 40 et qui va la garder pendant des décennies, c'est Anatole France. Et Anatole France, aujourd'hui, qui le lit ? Et Proust est monté à un sommet, mais qui n'était pas du tout évident. Il s'est peu à peu implanté parce que nos cadres de pensée ont fait que, pour nous tous, moi compris, j'ai fait un livre sur Proust est supérieur à Anatole France. Mais je pourrais dire la même chose que ce que je disais tout à l'heure à propos de Ben Jonson et de Shakespeare. Il faut faire l'effort aussi de penser l'altérité et de penser ces autres mondes dans lesquels d'autres auteurs sont importants. Et Proust n'est pas une évidence quand on regarde l'histoire de la littérature, parce qu'il y a eu un monde dans lequel Proust était considéré comme un auteur original par la longueur de ses phrases, ses pages interminables, etc. Mais il ne méritait pas d'être à la place dans laquelle notre modernité l'a installé, justement de mon point de vue. Je suis d'accord avec, mais c'est mon point de vue. Et les autres points de vue sont tout aussi intéressants. Ce sont autant de dimensions. Toutes ces dimensions, alors là c'est la quatrième que l'on entend, Pierre Bayard, vous les explorez dans le cas de Proust. Nous avons donc ce monde, alors on va dire que c'est le nôtre, hein, où Marcel Proust est vraiment au centre du panthéon de la littérature, très bien. Il y a d'autres mondes, ceux du passé notamment, où Proust n'était pas aussi important. Comment avez-vous exploré ces mondes ? Parce que puisqu'ils sont multiples, l'écrivain que vous êtes ne peut pas tous les explorer. Vous êtes professeur de littérature à l'université Paris 8 et aussi psychanalyste. Avec ces Beatles et tant d'autres, et Proust, on ne peut pas explorer tous ces mondes. Non, mais on peut quand même repérer, en étudiant la vie de ces auteurs, quelles sont ces bifurcations minuscules dont je parlais tout à l'heure. Je pense par exemple à la rencontre entre Sartre et Hélène de Beauvoir, et non pas Simone de Beauvoir. Sartre rencontre Hélène de Beauvoir, la sœur de Simone, avant de rencontrer Simone. Ils ont un repas, ils dînent ensemble. Si ça marche entre Hélène de Beauvoir et Sartre, il n'y a pas de deuxième sexe. Parce que c'est vraiment Sartre qui va imposer à Simone de Beauvoir d'écrire ce livre. Elle n'y pense pas. Elle va s'appuyer sur la philosophie de son compagnon, elle va l'écouter, elle va l'écrire. Et ce livre absolument déterminant pour le courant féministe ne naît pas le jour si ça match entre Hélène de Beauvoir et Sartre. Et ça, ce sont des événements minuscules qu'on peut reconstituer et qui permettent d'étudier ces vies alternatives, ces œuvres alternatives, avec jamais de la certitude, jamais de l'assurance, mais avec ce mélange dont je parlais tout à l'heure, de ludique et de scientifique. Sachant que rien n'est jamais sûr, vous évoquiez tout à l'heure, Catherine, Stephen King, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions, qui par exemple a fait un livre extraordinaire qui s'appelle 22-11-63, ou 11-22-63, suivant qu'on le lit en américain ou en français. Un livre auquel il a travaillé toute sa vie, qui est un roman extraordinaire d'un millier de pages, sur l'assassinat de Kennedy. Et le héros plonge dans le passé, parce qu'il a découvert un portail temporel, en se disant une quantité d'événements catastrophiques sont arrivés parce que Kennedy a été assassiné le 22 novembre 63, et en particulier la guerre du Vietnam. Et donc, il utilise ce portail temporel pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Et il y arrive. Et donc, ensuite, il revient à l'époque d'où il est parti, et le monde est absolument catastrophique. Il n'y a plus d'État aux États-Unis, il y a eu une guerre atomique, et les États-Unis sont occupés par des bandes. C'est pire que tout. Et je crois qu'il faut être très prudent. Et ces auteurs, qui nous en apprennent beaucoup, sont toujours très prudents sur le chrono. Ils examinent les possibles, mais comme Stephen King, sans établir de certitude. Parce que ça peut être encore pire quand on intervient sur le passé. Je pensais, vous évoquiez tout à l'heure justement Hitler et Napoléon, je pensais à un événement qui a probablement donné lieu à des uchronies, mais qui le mériterait, qui est l'assassinat de Rabin. Le 4 novembre 95, de 3 balles. Lorsque Rabin est assassiné, le processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens est très avancé. Et puis vous avez un terroriste qui le tue de 3 balles. Une balle est mortelle, la balle passe à côté, Rabin survit. On est dans un monde probablement différent. Alors, premier réflexe, on peut se dire, ce monde est certainement meilleur, parce que le processus de paix a pu se continuer. Mais, leçon, message de Stephen King, peut-être que ce serait encore pire. Donc je crois que ces auteurs, ils sont d'autant plus intéressants qu'ils sont prudents sur tout ce que l'on peut tirer de l'Uchronie. Mais alors, justement, dans le 22-11-63 de King, il y a effectivement le fait que empêcher l'assassinat de Kennedy aboutit à un monde encore plus dystopique que le monde réel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le petit point de bascule. Ce qui plante un véritable bazar dans le tissu de l'espace-temps, c'est non seulement qu'on a empêché le héros a réussi à empêcher l'assassinat de Kennedy, mais en plus, à chaque fois qu'il revient dans le passé, il en profite pour manger des hamburgers, parce que ça coûte 10 cents à l'époque, dans les années 50, et en plus ils sont faits avec de la bonne viande sans hormones. Et pour avancer son histoire sentimentale, parce qu'il y a une très belle histoire d'amour. Voilà. Et en fait, c'est le fait de consommer comme ça et de ramener dans le futur des hamburgers qui n'ont rien à y faire, qui finit par véritablement se mettre à faire tire-bouchonner l'espace-temps de façon très dangereuse. Et ça, moi j'ai bien aimé ce mélange de la grande histoire et de la toute petite histoire et de l'effet papillon qui répercute à hamburger en mouvement de grande amplitude dans l'espace-temps. Parce que ici nous avons un cadre, et vous avez évoqué cette histoire, alors, on parle de l'assassinat de Kennedy, en plus tout de suite il y a le complot possible, et puis il y a le retour à l'individu. Ces histoires d'Uchronie sont très incarnées, on le sent, alors, vous avec les Beatles qui disparaissent, mais tant d'autres, ce sont des histoires niveau à l'échelle de l'individu, avec des conséquences plus ou moins grandes et plus ou moins de prudence. Est-ce que vous aussi, vous trouvez, Catherine Dufour, que la prudence est de mise dès qu'il est question d'Uchronie ? Peut-être plus d'ailleurs que quand il est question d'analyse sérieuse, et l'on voit dans certains ouvrages qui veulent prédire le futur qu'ils se plantent souvent. Alors que celui qui écrit de l'Uchronie va être un peu plus prudent. Oui, de toute façon, on ne peut pas prédire l'avenir. La science-fiction, d'ailleurs, ne prétend pas prédire l'avenir. Elle prétend mettre en scène l'avenir tel qu'on le rêve aujourd'hui. Il n'y a guère que la prospective qui essaye d'interpréter des signaux faibles et de les tirer à 20 ou 30 ans. Et ils prennent toujours, effectivement, beaucoup de pincettes pour parler de ça. Mais c'est vrai que il est quand même difficile de ne pas avoir de regrets quand vous voyez que Ernest Duchesne, un brave français, en 1898, s'est aperçu que s'il prenait une culture de tuberculose et qu'il mettait une petite goutte de moisissure dite penicillium notatum, dans sa boîte de pétri, le bacille tuberculique disparaissait. Il a fait sa thèse là-dessus. Il a donc exposé sa thèse devant un aréopage de médecins. Et après, il a rangé sa thèse dans un tiroir et n'y a plus jamais pensé. Et aucune des personnes qui a assisté à sa thèse n'y a non plus pensé. Et il a fallu attendre que Fleming redécouvre ça à la fin des années 20. Vous imaginez, si on avait eu les antibiotiques pour la Première Guerre mondiale, quand on songe à la masse de souffrances, de morts, d'infections et de cautérisation et d'amputations qui auraient pu être évitées grâce à ça, ça laisse rêveur, même si bien sûr le monde aurait été tellement différent que de toute façon, probablement, nous trois, nous n'existerions pas et nos auditeurs non plus. Voilà, donc au moins l'affaire serait réglée. Pierre Bayard, avec cette rencontre, enfin Sartre et Hélène, Simone de Beauvoir. Donc déjà, on a appris que nous aurions pu lire Les Hannetons et Les Mains Propres, mais vous faites à peu près la même réflexion autour d'une autre histoire d'amour, mais celle-là nous conduit plutôt du côté de la sculpture. Venez vous mettre en place. Monsieur Rodin m'a dit qu'il avait l'intention de t'augmenter. Est-ce qu'il l'a fait? Il me l'a promis, papa. Mais il te paye ton salaire régulièrement, tout de même? Bien sûr. Les bourgeois de Calais sont presque terminés maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? J'ai l'impression que depuis que tu connais M. Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même. Ce n'est pas vrai. Croyez-moi, papa, il est plus préoccupé de mon avenir que moi. Nous sommes en décembre. Si tu n'as pas commencé, tu ne seras jamais prête pour le salon. Et cette année, tu n'as encore rien exposé. Oui, mais j'ai appris à travailler plus vite avec lui. Ma fille n'a pas attendu de rencontrer M. Rodin pour exister. C'est dans le film de Bruno Nuitten, Camille Claudel en 1987, où Isabelle Adjani est une des héroïnes de votre ouvrage, Pierre Bayard. Alors pourquoi elle? Pour représenter la réflexion sur ces grandes absentes de l'art et de la littérature, encore aujourd'hui, que sont les femmes. Il se trouve que je suis de la famille des Claudel, bon, de manière très, très lointaine, hein, j'indique la généalogie dans une note, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand j'étais plus jeune, ma mère, puisque c'est par ma mère que je suis relié au Claudel, nous parlait de Paul Claudel avec beaucoup de fierté, puisqu'il était le grand homme de la famille. Et je me rappelle très bien qu'elle disait, ah oui, il avait une sœur folle qui faisait de la sculpture. C'était avant que Camille Claudel surgisse à la lumière dans les années 80, par un certain nombre de livres et par le film et l'incarnation fulgurante d'Isabelle Adjani. Et évidemment, on peut se demander... pourquoi elle a été à ce point écartée, avec ce double empêchement que connaissent les femmes dans la littérature et de l'art. D'abord, toutes les œuvres qu'elles ne peuvent pas faire, écrire, et c'est le cas de Camille Claudel, parce qu'elle est tenue à l'écart, elle devient folle, plus personne ne s'occupe d'elle, etc. Mais aussi parce que même quand ces créatrices produisent, leurs œuvres n'ont pas le même statut que les œuvres de leurs confrères. Et il a fallu un certain temps pour qu'elles soient remises à sa place. On peut se demander aujourd'hui, à voir les sculptures qu'elle nous a laissées, quel est l'auteur, l'autrice le plus intéressant entre les deux. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple, hein, de tout ce continent des œuvres disparues, soit qui n'ont pas été créées, soit qui ont été écartées. Et je crois que c'est dans un livre qui réfléchit sur les mondes possibles en création littéraire et artistique, il fallait évidemment laisser une place importante aux femmes. Avec cette figure de Camille Claudel, vous avez évoqué cette généalogie qui nous conduit à Paul Claudel. Si Paul Claudel ne s'était pas trouvé derrière ce pilier de Notre-Dame ce jour de Noël-là et qu'il n'avait pas ressenti cette chose qui a conduit à la conversion, etc. Il y a vraiment ce jeu d'esprit. Là, c'est un livre, et on pourrait vraiment citer ses ouvrages. Moi, je cite les vôtres aussi, Catherine Dufour, hein, L'arithmétique terrible de la misère, Au bal des absents. En fait, ça peut même être un jeu à l'oralité. On se retrouve comme ici autour d'une table et on avance des si. Oui, mais j'insiste là-dessus. Un jeu, bien sûr, et c'est ça qui m'amuse en tant qu'écrivain, mais aussi avec une dimension scientifique, entre guillemets. Parce que l'enjeu sur cette question-là, c'est d'aller récupérer une multitude d'œuvres du passé, les œuvres écrites par des femmes, et ça a commencé, qui ont été négligées. Et donc il s'agit de rétablir un canon qui soit moins un canon masculin que celui d'aujourd'hui. Les œuvres qui ont été faites dans des univers parallèles, ce sera plus difficile de les récupérer. Mais il y a quantité d'œuvres qui existent, et on est en train, je crois, de réécrire l'histoire de la littérature et de l'art en y rajoutant toutes ces obscures qui n'ont pas eu la chance d'accéder au canon, parce que le canon était écrit par des hommes. Donc là, c'est une véritable dimension scientifique de l'histoire de la littérature et de l'art. ces hommes qui ont écrit ces canons ont créé des univers parallèles dans, le, oui, dans lesquels ils ont voulu confiner ces femmes, notamment. Voilà, avec des cadres de pensée qu'il faut toujours analyser, même si ce sont des évidences. Encore une fois, c'est une évidence pour moi que Shakespeare, c'est bien meilleur que Ben Jonson, et que Proust, c'est bien meilleur qu'Anatole France. Mais c'est intéressant d'aller voir cet autre moi-même, qui lui aussi mérite d'être étudié, qui pense différemment. Démarche scientifique et d'imagination. Oui, vous êtes cruel pour Anatole France, qui avait, comparativement à Proust, quand même l'ambition d'être beaucoup plus populaire. Effectivement, il a une langue plus simple. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, il disait « Les dieux ont soif ». C'est quand même une excellente façon d'avoir l'impression de se retrouver au sein du peuple de la Révolution française. Et c'est une expérience que moi, j'ai trouvée extrêmement prenante. Bon, là n'est pas le sujet. Je voulais revenir sur la notion de jeu. Et effectivement, on s'aperçoit que tout ce qui est uchronique, souvent, c'est quand même empreint d'un minimum d'humour. Les gens, les auteurs s'amusent. Ça peut être quand même léger. On sent que c'est lors de l'expérience de pensée pour se détendre d'un monde très réel et très cruel. Et je pense par exemple aux Anglais. Dès qu'on parle d'humour, on parle d'anglais. Il y a une anthologie anglaise qui est sortie en 1931 d'histoires alternatives. Je crois que ça a été réuni par un monsieur qui s'appelle Sir Collins. Et dont il y a une des histoires, elle s'appelle Si Louis XVI avait eu un seul atome de fermeté, ce que je trouve quand même très très cruel de leur part. Et il y a aussi un texte de Churchill qui imagine un monde où aux États-Unis, les sudistes ont gagné. Mais c'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que dans ce monde, un historien imagine que les nordistes ont gagné. Donc il y a une espèce de matrioshka, d'imbrication qui montre que quand même Churchill avait il avait un talent de plume, il a quand même eu le prix Nobel de littérature, c'est quand même pas pour rien. Mais effectivement, l'Uchronie est quand même à la base, il y a une notion de jeu, de libre exercice intellectuel des facultés et de l'imagination. Et d'humour, Pierre Bayard. Oui, je crois que c'est ce qui est mal accepté aujourd'hui encore, même s'il y a une évolution en sciences humaines. On parle de l'utilisation de l'uchronie par les historiens et les historiennes, mais en fait la plupart sont contre. C'est clair, et considère que c'est pas sérieux. Sans prendre en compte ce que je disais tout à l'heure, à savoir que notre pensée est uchronique. C'est-à-dire que quand vous établissez les causes d'un événement, comme les causes de la guerre de 14, le fait de se pencher sur ces causes suggère que ces causes n'auraient pu ne pas exister. Donc c'est déjà un mode de pensée uchronique. Et si on est si attaché à l'humour dans l'écriture, c'est aussi parce que cet humour permet un certain type de réflexion. Et en particulier, permet ce qui aujourd'hui se produit, à savoir, je dirais, une irruption du sujet en sciences humaines. On est aujourd'hui beaucoup plus près, en histoire, en tout cas dans certains domaines de l'histoire, mais aussi en théorie littéraire ou ailleurs, à se dire que ça n'est pas un discours objectif, mais c'est un jeu qui parle, c'est un sujet qui parle, et je crois que c'est lié à ce recours à l'humour et à tout ce que l'humour peut produire de connaissances en sciences humaines. Oui, avec une démarche scientifique et le trait d'humour, mais il n'est pas besoin de le surligner. Hein. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, votre ouvrage, Pierre Bayard, l'humour est là, mais il est extrêmement subtil dans le titre même. Et après, dans le livre lui-même, c'est pareil avec Et si les Beatles n'étaient pas nés, mais il n'y a pas besoin de mettre l'humour en avant. C'est là je crois que les malentendus hein, sur comment parler des livres qu'on n'a pas lus, parce qu'il y a des malentendus, les gens on pensait que j'incitais à arrêter de lire, alors que il suffisait de lire le livre pour voir que c'était fait par un gros lecteur. Ces malentendus ont tenu au fait qu'en sciences humaines, on est peu habitué à l'humour. Et normalement, un auteur de sciences humaines, il est sérieux. Et il n'est pas déstabilisant, il ne fait pas des vannes. Mais si vous admettez cette idée, qui je crois est évidente pour les écrivains et les écrivaines, que l'humour, c'est un mode de connaissance, alors, à ce moment-là, vous produisez un autre espace de pensée qui est typiquement celui, l'espace de jeu scientifique qui anime les auteurs d'uchronie. Avec peut-être une différence entre des univers culturels, est-ce qu'on va retrouver plus ou davantage d'uchronie dans un univers anglo-saxon, parce que on a cité alors des auteurs venus de la littérature, Stephen King, etc. Et puis après, il y a les universitaires qui peuvent s'en saisir. Est-ce que dans le monde anglo-saxon, on va trouver beaucoup d'uchronie? Parce que parmi tous les auteurs qu'on a cités, beaucoup viennent de là. Oui, alors c'est toujours le problème, c'est qu'à un moment, les anglo-saxons, bref, l'anglais, il y a 1 milliard de locuteurs, et nous, le français, ben, on est un peu, en tout cas, en métropole, on est un peu 60-70 millions. Alors, il y a peut-être bien 200 000 locuteurs, enfin bref, je ne sais pas quelle est l'étendue exacte de la francophonie, mais oui, il y a toujours plus d'auteurs qui écrivent en anglais, que ce soit de l'Uchronie ou autre chose. C'est un problème que rencontre la littérature française en permanence, donc je crois pas que ce soit très très très très significatif, mais en tout cas sur le plan de l'écriture de science-fiction, on rend toujours hommage aux anglo-saxons parce que malheureusement ils sont plus nombreux que nous, donc forcément quand vous êtes plus nombreux, il y a plus d'ouvrages de bonne qualité. Je pense notamment à une chronique qui est très jolie qui s'appelle HPL pour Lovecraft, c'est de Roland Wagner. Et on imagine que HPL, Lovecraft, n'est pas mort à l'âge de, je sais plus, 36-39 ans, à Providence, mais qu'il a atteint l'âge de 100 ans et qu'il a traversé tout le XXe siècle et qu'il s'est entretenu avec urbanité, notamment avec Philippe K. Dick. C'est un très joli petit livre qui est un bel hommage aux auteurs de science-fiction de la grande époque. Les auteurs de science-fiction parmi lesquels on va retrouver... Alors, il y a Orson Welles, bien sûr, qui se saisit de la guerre des mondes. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that Mesdames et messieurs, vous écoutez Orson Welles, qui sort de son personnage pour vous assurer que cette guerre des mondes n'est rien de plus qu'un programme spécial qui vous est offert à l'occasion des fêtes. C'était pour le Mercury Theatre une façon de s'envelopper d'un drap et de jaillir d'un buisson en criant « Ouh !» Nous avons annihilé le monde en direct pour vous et détruit de fond en comble le Columbia Broadcasting System. J'espère que vous serez soulagé d'apprendre que ce n'était pas pour de bon et que ces deux institutions fonctionnent toujours. Bonsoir à tous donc, et s'il vous plaît, n'oubliez pas la terrible leçon que vous avez apprise ce soir. Ces envahisseurs ricanants et visqueux venaient tout droit du pays des contes de fées, et si l'on sonne à votre porte et qu'il n'y a personne, ce n'était pas un martien, mais Halloween. À la fin du 19e siècle, H.G. Wells écrit La guerre des mondes, dont se saisit Orson Welles dans les années 1930. Mais il y a une mise en abîme et par l'Uchronie, un procédé d'analyse. Parce que cette panique sans cesse évoquée lors de la diffusion à la radio de La guerre des mondes, c'est aussi une fiction. Tout ça sont des mondes parallèles. On peut vraiment dire, Pierre Bayard, que l'Uchronie est un outil d'analyse comme il y en a tant d'autres. Oui, alors j'en ai parlé, hein, de cette histoire de la guerre des mondes dans un autre livre sur les fake news, comment parler des faits qui ne se sont pas produits, en rappelant, suite à un certain nombre de travaux qui ont été faits, que la panique qui aurait envahi les États-Unis à la suite de la diffusion par Orson Welles de son émission sur le roman de son homonyme, cette panique était complètement imaginaire. Et elle avait été en particulier fabriquée par Orson Welles, qui a eu l'idée géniale le lendemain de l'émission, de s'adresser au peuple américain pour lui présenter ses excuses d'avoir plongé les États-Unis dans la panique. Mais jamais une panique, c'est une fake news. Hein. Mais finalement, c'est une fake news productive parce que, je prends d'autres exemples dans mon livre, il y a des fake news productives, même si malheureusement elles sont la plupart du temps improductives et terrifiantes. C'est une fake news productive parce que vous avez eu ensuite des travaux sérieux sur la compréhension de ce qu'est une panique. Des travaux scientifiques tout à fait sérieux qui sont partis de cet exemple d'Orson Welles plongeant les États-Unis dans la terreur alors que c'était une invention complète. Donc il arrive que de la fiction à nouveau puisse produire une réflexion scientifique. J'ai énuméré dans mon livre sur les fake news un certain nombre de cas comme cela. Autre exemple, Freud crée une notion très intéressante qui est la notion de sublimation. Cette idée que nous pourrions détourner une partie de notre énergie sexuelle vers la création artistique, littéraire ou scientifique. Et il prend l'exemple de Léonard de Vinci en disant voilà quelqu'un qui n'avait pas de vie sexuelle et qui a détourné toute son énergie vers la création. La notion est géniale, mais Léonard de Vinci est le contre-exemple absolu. Parce que ce qu'ignore Freud à l'époque, c'est que Léonard de Vinci est homosexuel, ça ne se dit pas, mais on a découvert ensuite qu'il avait une vie sexuelle tout à fait féconde et qu'il arrivait à faire les deux. La notion reste, elle est intéressante. Elle se fonde finalement sur une forme d'uchronie, sur une fake news intégrale. Voilà, imaginons dans ces mondes parallèles, tous ces personnages qui disparaissent. Catherine Dufour, il y a vraiment ce côté stimulant de l'Uchronie, avec, et c'est là sur quoi je voudrais terminer quand même, énormément d'optimisme, parce que c'est de la recherche. Et même quand l'Uchronie nous conduit à des mondes tristes, au moins l'avantage, c'est que ce sont des mondes qui ne sont pas le nôtre. Oui, tout à fait. Alors là, c'est la fonction soulagement de l'art, créer un monde uchronique tellement abominable qu'on peut se dire, ah ben, finalement, le monde actuel n'est pas si mal. Ça peut servir à ça aussi. Ça peut servir à ça. En tout cas, c'est une... Mais il y a aussi le monde dans lequel nous rentrons et où, tout à l'heure, c'est un monde uchronique, Emmanuel Macron, à la radio-télévision, annonce qu'il retire la réforme des retraites. Et... C'est un scoop pour France Culture. Et voilà. Et ce monde uchronique, diantre. J'aime beaucoup, Pierre Maillard, ce que vous pouvez évoquer parce qu'effectivement, il y a des uchronies, rafraîchissantes. Merci vivement à tous les deux. On retrouve toute votre bibliographie sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr. Et pour le moment, un monde parallèle s'ouvre à nous, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi ne pas interdire la soutane au nom de la laïcité? Depuis une trentaine d'années, la loi de 1905 sur la laïcité a fait l'objet d'un grand nombre de débats, car la définition de ce terme n'a jamais fait l'unanimité, même au sein du camp républicain. Peu de temps avant l'adoption de cette loi, l'expulsion des congrégations avec l'appui de la troupe avait cristallisé les tensions entre des laïcs intransigeants, les républicains plus modérés et l'Église catholique. La commission mise en place par le gouvernement pour préparer la loi sur la laïcité s'efforça d'apaiser ces tensions. Le projet de loi soumis au vote des parlementaires assurait, dans son article 1er, la liberté de conscience de chacun et garantissait le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 prévoyait, quant à lui, la séparation des églises et de l'État et affirmait la neutralité de l'État vis-à-vis des différents cultes. Cette interprétation libérale de la laïcité fut vivement combattue par ceux qui militaient pour l'adoption d'une législation imposant le contrôle de l'État sur l'Église. Issu de cette mouvance des laïcs intransigeants, Charles Chabert, député radical socialiste de la Drôme, proposa un amendement tendant à interdire le port de la soutane en public. Il ouvrit ainsi un débat appelé « Un grand avenir » sur la visibilité des religions dans l'espace public. Chabert justifia son amendement en avançant trois arguments. Le premier portait sur la question du privilège que le droit de porter la soutane aurait accordé aux ecclésiastiques. Autrefois, ajouta-t-il, il n'y avait rien d'extraordinaire dans le port d'un costume spécial par les ecclésiastiques, car chaque catégorie de citoyens avait le sien propre. Mais aujourd'hui, ces catégories n'existent plus. Et tous les citoyens, quels qu'ils soient, depuis le plus humble jusqu'au plus illustre, depuis le plus pauvre jusqu'au plus riche, s'habillent à peu près de la même façon. Le deuxième argument avancé par Chabert concernait les risques que le port de la soutane ferait peser sur l'ordre public. Vous avez dû être témoin des manifestations diverses que provoque assez souvent dans nos villes le passage d'une soutane. Les uns s'inspirent, il est vrai, de sentiments religieux, parfois même fanatiques, mais les autres proviennent de sentiments absolument contraires et exposent les prêtres à de désagréables surprises. Enfin, la troisième raison, développée par ce député, concernait la dignité du prêtre en tant que personne qu'il fallait émanciper par l'interdiction d'un habit avilissant. Supprimer le costume et aussitôt le prêtre, devenu une unité ordinaire dans la foule immense, échappe à son supérieur, s'évade de cette tyrannie monstrueuse de tous les instants. Il s'évade vers le siècle, vers les idées, vers la vie. Aristide Briand, le rapporteur de la loi, répondit en dénonçant le côté ridicule d'une mesure qui imposerait aux citoyens d'un pays libre de modifier la coupe de leurs vêtements. Pour Briand, une fois l'État et les Églises séparés, la soutane devient un costume comme un autre, libre d'être portée par qui le souhaite. L'amendement fut rejeté par 396 voix contre 184. Ouais, c'est bêta sous ça. porterait tous la soutane. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Antoine Tropé. Émission préparée par une équipe qui forme autant de mondes parallèles mais qui se rejoignent sans cesse. C'est Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Judès, Jeanne Copé, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr. Vous retrouvez toutes les références de ce que nous avons cité dans l'émission ainsi que sur l'application Radio France. La cour. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, maîtres Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry. Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Adair. Patrick Henry, levez-vous. Réalisé par Cédric Ossir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.